I don't like to shut the curtains. I like the moon to watch as I listen, as I listen. Hello and welcome, bienvenue à bord de la Croisière Folk, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à toutes les facettes du folk, du bluegrass et de l'americana. Cette semaine, notre voyage prend une teinte particulière, une énergie unique, car nous mettons à l'honneur les artistes féminines, des voix envoûtantes, en mélodies enivrantes, des légendes aux découvertes, embarquées avec nous pour une heure de folk au féminin. Laissez-vous porter par ces talents qui façonnent la musique folk d'hier et d'aujourd'hui. C'est parti pour cette édition spéciale de la Croisière Folk. Et nous l'avons démarrée avec Emma Jane Mansfield des Curtains. Cette chanson est née d'une réflexion sur sa nouvelle vie sans Jazz, son époux décédé du cancer. Elle y évoque une habitude inexplicable de ne pas fermer les rideaux la nuit. N'hésitez pas à liker sa page Facebook Emma Jane Mansfield. Et on va poursuivre avec Mylène Vallée, Nature Profonde. Elle nous vient du Québec et c'est une chanson aux airs folk country. Et puis juste après, Christine Saint-Pierre, If I Were a Love Song, extrait de son album de 2024, Love and Vulnerability. C'est une autrice, compositrice, interprète folk à la voix de velours. Une artiste engagée sur la cause féministe, voyageuse et pleine d'authenticité. C'est ce qu'en dit mon collègue Guillaume Lorrain de CHOQ-FM. Et puis il y aura également Isabelle de Spoolberg et Vartan Vanissian. Lève les yeux. Alors Isabelle est harpiste et Vardan, eh bien, il joue du doudouk. C'est un instrument, je vous en dis un petit peu de mots. Hein. Le doudouk, donc, c'est un instrument à vent traditionnel arménien au timbre chaud et mélancolique, fabriqué en bois d'abricotier. Il se joue avec une hanche double produisant un son profond et expressif. Il est utilisé dans la musique folklorique et spirituelle arménienne. Il accompagne aussi le cinéma et la musique du monde. Son jeu requiert une technique de respiration circulaire pour maintenir des notes longues et envoûtante. Allez, on est parti pour la musique folk. Aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est un 100% musique folk au féminin. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Je veux pas taper ma traîne dans le sens du vin. Cheveux en bâtard et le cœur confiant. Je veux jamais oublier d'où je viens. Quand ma nature m'appelle, je n'y peux rien. Je m'étais perdu. On avait perdu le nord.

La croisière folk. Dans La Croisière Folk, Isabelle de Spoolberg et Varda Novanissian, Lève les yeux, extrait de leur album de 2021, Appel à la source. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elle est acadienne, elle s'appelle Ariane Nadeau et en 2023, elle sortait l'album « Port d'attache ». Autrice, compositrice, interprète des îles de la Madeleine, elle a sorti donc cet album « Port d'attache » qui est un voyage musical aux couleurs acadiennes. Son univers folk mêle mélodies apaisantes et eaux plus tumultueuses, reflétant son amour pour son coin de pays. Sa voix feutrée et unique ainsi que sa sensibilité désarmante captive vraiment le public. Inspirée par l'univers maritime et insulaire, elle compose compose des chansons authentiques et rassembleuses. Après des années de concerts dans divers lieux au Québec, elle a su développer une belle complicité avec son public. Ses textes et ses mélodies nous transportent dans un monde à la fois chaleureux et introspectif. Et de cet album Port d'attache d'Ariane Nadeau, trois morceaux, cette mer de vie tout près et héritage naturel. C'est parti pour 1, 2, 3. Je vous rappelle que si vous avez des commentaires concernant cette émission, vous pouvez soit liker la page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk et nous transmettre un commentaire au travers de celle-ci, ou nous avons une adresse mail, lacroisièrefolk en un mot sans accent, @yahoo.com. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. Je ressens à l'intérieur. J'ai pas si c'est de l'insécurité ou de la peur. On dirait que c'est tout mélangé. Y'a longtemps que j'ai pas fait le ménage. Je laisse le vent créer la pagaille dans les parages. Et je grandis. Parfois la mer est agitée, je ne sais plus comment diriger. Mais lorsqu'elle est calme, j'aime à naviguer. Parfois la mer reste un mystère, on n'explique pas tous ses secrets. Elle est tantôt imprévisible, mais d'autres fois on la connaît. Moi je prends plaisir à la regarder, à essayer de la prévoir. Mais je perds mon temps à essayer, puisqu'elle change à tous les soirs. Je regarde au loin, c'est bizarre mais y'a personne à l'horizon. J'essaie tout de même de me donner une raison pour rester là, contempler tout ce vide de cette façon. Y'a rien à faire, j'ai même pas ce que j'attends. Les saisons passent et j'ai vieilli, le froid fait geler l'océan. Mais c'est pas grave car j'ai compris, les choses s'arrangent avec le temps. La mer ressemble à la vie, pleine de surprises et si immense. Parfois elle vire un peu gris, elle peut être trouble ou apaisante. Parfois la mer reste un mystère, on n'explique pas tous ses secrets. Elle est tantôt imprévisible, mais d'autres fois on la connaît. Je perds mon temps à essayer. On voit mal quand on est dans le noir. 1, 2, 3. Je nous revois tous les deux, assis sur les rochers, la tête un peu dans les nuages, dans l'espoir que ça va continuer. Tu me regardes et je souris. Il y a cette magie qui s'installe. Et avant même que je l'ai choisi, il y a mon cœur qui s'emballe. Les meilleures choses arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. Une petite surprise, ça fait toujours du bien. Dans mon histoire, c'est sûr ça se termine bien. Car y a la vie qui a mis ton chemin tout près du mien. J'ai envie de te murmurer toute une histoire qui nous attend. Je suis prête à tout pour partager avec toi un autre moment. Des projets, j'en ai plein la tête, mais y'en a qu'un vraiment qui vaille. Je te laisse deviner ce que c'est, mais je t'assure, ce n'est pas qu'un feu de paille. Les meilleures choses arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. Une petite surprise, ça fait toujours du bien. Dans mon histoire, c'est sûr, ça se termine bien. Car il y a la vie qui a mis ton chemin tout près du mien. Je veux me perdre dans ton regard, oublier tout ce qu'il y a autour. J'ai besoin de ta main dans la mienne et de tes pas dans mon parcours. J'admire ta sensibilité, ta patience, ton émerveillement. Je cherche la personne que tu es, chaque jour tu me surprends. Jamais je n'aurais cru un jour rencontrer l'homme que j'attendais, et qui brise toutes mes barrières et réalise mes plus grands souhaits. Ce bonheur que tu aperçois quand tu regardes dans mes yeux, c'est un souvenir, un présent, un futur, c'est notre vie à deux. Les meilleures choses arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. Une petite surprise, ça fait toujours du bien. Dans mon histoire, c'est sûr, ça se termine bien. Car il y a la vie, il y avait ton chemin tout près du mien. Les meilleures choses arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. Une petite surprise, ça fait toujours du bien. Dans mon histoire, c'est sûr que ça se termine bien. Car il y a la vie, qui avait ton chemin tout près du mien. Des étoiles, il y en a plein le ciel, mais les plus belles sont dans tes yeux. Tu me charmes avec ton naturel, être avec toi, c'est délicieux. Sont au cœur du paysage, de nos récits, de nos histoires. Elle guide toujours les marins et amuse encore les gamins. À travers l'archipel, entre mer et ciel. La baie tremble, la baie Tamounette, du lac et du vent, et c'est là que je tombe. Sans oublier la béguine qui surplombe nos îles. Elle voit passer les saisons en boucle dans leur canton. Les glissades en tabagan, les pique-niques et les balades. Garde les promesses et secrets qui se disent sur leur sommet. À travers l'archipel, entre mer et ciel. Admire le soleil, lever ou coucher avec elle. On y cueille leurs petits fruits et cherche leurs trésors enfouis. À travers l'archipel, entre mer et ciel. La baie tremble, la baie Tamounette, du lac et du vent, et c'est là que je tends. Sans oublier la béguine qui surplombe nos îles. mémoire du temps en hommage à ces gens qui marquent l'histoire comme ces reliefs du terroir à travers l'archipel entre mer et ciel. La Bétrande, la butte à Mounette, du lac et du vent, et c'est là que je t'en. Plus, on vous fait dans 1, 2, 3 découvrir un album folk. Ariane Nadeau, c'est le nom de l'artiste. Je suis heureux de l'avoir, d'avoir permis que vous puissiez la connaître et son album Port d'attache, album sorti en 2023. On a écouté trois morceaux, Cette mer de vie, Tout près et Héritage naturel. La poésie. Alors, il s'agit d'un poème que j'ai enregistré moi-même. En fait, il se passait en 2008. Il y avait séchage de mots. C'était une exposition à Haguenau, une ville située à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, où en fait les poèmes étaient sur des feuilles de papier accrochées sur une ligne ou une corde à linge. C'était vraiment chouette. Et Claude Weider, ben, faisait partie de cette exposition. Il va nous réciter Lettre ouverte à une demoiselle. Et juste après, Naomi Bedford et Paul Simmons avec Seven Day of Nothing, Karen Jonas Kamikaze Love et Diane Birch Trampoline. Mais voici tout de suite Claude Weider, qui est donc alsacien. Il s'est lancé dans l'écriture de romans. Donc si vous tapez son nom sur Google, vous verrez le nom de ses romans. Voici donc Lettre ouverte à une demoiselle. Ma demoiselle, je tiens à vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de mon chemin par ce beau mois de juin. J'ai trouvé votre compagnie délicieuse et votre senteur si précieuse qu'elle ravit encore mes narines, tant vous fûtes fine. Nous ne nous connaissions point, mais quand mon destin le vôtre a rejoint, j'aurais voulu qu'il en soit ainsi pour la vie, tellement votre personne m'éblouit. Vous et votre si jeune corps que j'ai contemplé de dehors, alors que de dessous les vêtements, il eût été si appétissant. Mais votre honneur mérite d'autant plus de valeur que par tous vos refus, vous préservez votre vertu. Vous devez avoir bien des prétendants, issus de tous les rangs, car votre beauté sublime pour tous est unanime. J'aurais accepté tous les liens, j'aurais quitté tous les miens, pour de vous être le premier à dévoiler vos charmes secrets. Vous n'avez point voulu faillir aux assauts de mes désirs, alors je vous ai écrit ce que j'ai ressenti. Je tiens une dernière fois à vous exprimer ma joie par ces quelques vers qui, je l'espère, vous seront chers. Alors vous, jeune demoiselle, qui êtes encore pucelle et dans la fleur de l'âge, acceptez ces quelques hommages. Votre serviteur, le maître du manoir. On the first day, nothing, I turned myself off. Unplugged my head and wrapped it up in a cloth. Put my phone in a bath and filled it with sand. Put the wrong gloves on both of my hands. Ooh, 7 days with nothing to do. Ooh, 7 days without you. On the second day, nothing, I left my heart in the lane. Tore up my tickets for the mystery train. On the third day, I took my car. Drove to the cliffs and took my foot off the brakes. Ooh, 7 days with nothing to do. Ooh, 7 days without you. Well, I spent my money as fast as I could on earplugs, blindfolded, gag and a hood. quickly got divorced. Gave up the kids and the parents, of course. Retraced my steps till I was back in the womb. Mama kicked me out and said, get your own room. On the fifth day I told the wind not to blow, the sky not to rain, and the clouds not to show. On the sixth I forgot everything that I'd said. Tomorrow I'm coming back from the dead. Seven days with nothing to do. Seven days without you. Well, I spent my money as fast as I could on earplugs, mine won't again. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Aujourd'hui dans la Minute Astuce, c'est bien un petit truc pour dormir, en plus d'une tisane. Pourquoi ne pas essayer une recette traditionnelle consistant à dormir sur un oreiller de houblon? Plus facile encore, vous glissez sous la taie une pochette de mousseline qui renfermera 100 g de cônes de houblon séché. Alors ces essences au houblon sont suffisamment volatiles pour être absorbées par l'appareil respiratoire à travers le tissu. Si vous essayez cette recette, n'hésitez pas à me dire si ça a marché ou pas. On poursuit donc en musique. Je rappelle, vous écoutez La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. Et cette semaine, eh bien, la programmation est 100% féminine. C'est une habitude que nous avons pris toutes les deux semaines de vous présenter le meilleur des artistes féminins de la musique folk. Et que va-t-on écouter? Sadie Gustafsson Zouk, Where I Wanna Be, extrait de son album de 2024. C'est d'ailleurs cette plage titulaire. Alors, qui est Sadie Gustafsson Zouk? Eh bien, c'est une artiste qui trouve dans la création un besoin vital. Ses chansons sont empreintes d'émotion et de finesse mélodique. Son album, Where I Wanna Be, donc, est sorti en mai 2024. Il a été enregistré sur une bande analogique. Et il explore avec sincérité les questions d'identité et de transition. Son style est authentique et intimiste et il touche directement le cœur de ses auditeurs. Après, il y aura Ana Alcaide avec La Mujer Muerta. Alors cette chanson s'inspire en fait d'une légende espagnole liée à la chaîne montagneuse du même nom située dans la Sierra de Guadarrama près de Ségovie. Selon la tradition, ces montagnes dessineraient la silhouette d'une femme allongée. L'histoire raconte qu'une princesse tomba amoureuse d'un homme d'une classe inférieure, ce qui provoqua la colère de son père. Pour empêcher leur union, ce dernier envoya l'amant à la guerre, espérant ainsi briser leur amour. Mais la princesse, dévastée par la séparation, mourut de chagrin. La légende dit que la montagne prit la forme de son corps en hommage à sa tristesse éternelle. Ana Alcaide, avec son style mêlant musique séfarade et sonorité médiévale, transforme cette légende en une ballade poignante, portée par sa voix envoûtante et ses mélodies jouées à la nickel harpa. La Croisière Folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Segovia más de mil siglos atrás, dos hermanos sueñan una dama y nada. abril es 19 y en alma una niña de nieve. Blanca es dueña de un castillo en el Pinar, de delirios que habrán de ocultar, de un dolor a doble filo en celo, de sangres y espadas en duelo. Su amor se esperan que no caben en sus primaveras y en su cama con boca de Judas deshoja la flor de la duda, mansa como una paloma de la paz en designio vano de bondad. Su ternura por mitad entre ambos despliega sus alas al sur. Combatiendo a muerte se interponen con muy negra suerte y en la tregua de la encrucijada las manos de olivo de blanca y en el valle gris de Guadarrama el perfil de una ladera helada que concilia el sol del sur y el norte y se acuesta sobre el horizonte al sur. Seasons change, I look around the apartment, Notice how the furniture fades every time I try to think through what could be different and what I could get used to. Where I wake up, I wonder what it looks like there when the economy's rough. Do all the shops close down? Do the people who grew up here still want to live in this town? Every year about this time, I think of all the places I could live my life. Every year I drive around, scope out the towns, thinking, is this where I wanna be found? Every life I set aside comes back around. Out of my sight, every person that I've been leaves for a while, but then they show back up again. Every year about this time, I think of all the places I could live my life. Every year I drive around, scope out the towns, thinking, is this where I wanna be? Every year about this time, I think all the places I could live my life. Every year I drive around, scope out the towns, thinking, is this where I wanna be found? Hey you! Ça y est, c'est fini. Et voilà, notre escale musicale touche à sa fin. Une heure à naviguer entre les voix et les cordes à la rencontre d'artistes féminines qui donnent à la musique folk toute sa richesse et sa sensibilité. Alors j'espère que cette traversée 100% féminine vous aura enchanté. Retrouvez La Croisière Folk la semaine prochaine pour un nouveau voyage musical. En attendant, restez curieux, partagez la musique et surtout, laissez le folk résonner en vous. À très bientôt. Et comme je le dis d'habitude, que la force soit avec vous. Et à tous les autres, et je vous donne tous à toutes rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Et on se quitte, j'avais oublié. Oui, c'est comme ça. Parfois, on est distrait. On se quitte avec Pipe Jigs de Nathalie McMaster. I'll be back. Tout ce que vous allez mettre dans une casserole, si c'est pas bon, ça va pas devenir bon au chauffant. Ouais. Je m'en fous, parce que comme ça, moi, je peux rentrer à ma maison. C'est pas que j'en ai rien à foutre de vos histoires, mais je dois visionner la saison 17 des Feux de l'amour, parce que j'aime bien ça en VO.